La tirelire aux histoires. Lecture choisie. De Louis Anton Belloc, 1796-1881. À Juliette, Marcel et Marie, leur grand-mère. La tirelire aux histoires si souvent citée, est surtout célèbre par son sentier d'or. Mais c'est l'ensemble de ses 175 petites histoires, qui a été formateur pour la jeune Thérèse Martin. Archive carmellisieux.fr, markendanvoordepresse.com licence Creative Commons pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Extrait. L'hiver. Les arbres n'ont presque plus de feuilles, le vent et la pluie les ont fait tomber. Le ciel est gris, il fait froid. C'est l'hiver. Il gèle, les bassins des jardins publics sont couverts d'une mince couche de glace. N'essayez pas de glisser dessus. Elle se briserait et vous tomberiez à l'eau. Dans 4 ou 5 jours, si la gelée continue, la glace sera épaisse et pourra vous porter. Alors viendront les patineurs. Avez-vous jamais vu patiner? C'est une manière adroite de glisser sur la glace avec des lames d'acier qui la raient. Il y a un pays qu'on appelle la Hollande, qui est couvert de canaux et de rivières. Pendant le long hiver, l'eau des canaux et des rivières se couvre de glace épaisse et dure. Alors les habitants, qui ont tous appris à patiner dès leur enfance, vont d'un village à l'autre en patinant sur les canaux. On voit souvent des laitières, leur peau au lait sur la tête, glisser sur la glace avec leurs patins, sans répandre une goutte de lait, et sans perdre l'équilibre. Elles vont beaucoup plus vite que nous en marchant, leur adresse vient d'une grande habitude. La glace se fond. Voici la neige. Comme elle tombe vite et pressée. Ces flocons ressemblent à de petites plumes. Tout en est couvert, les arbres, les champs, la route, les maisons et jusqu'aux rues, où elle noircit bientôt sous les pieds des passants et des chevaux. Sur la campagne elle étend un beau tapis blanc, plus blanc que tout ce que nous voyons de blanc, aussi l'on dit, blanc comme la neige. Cela est beau à voir. La neige vient des nuages. C'est de la pluie gelée en l'air par le froid. Mettez un peu de neige devant le feu. Voyez comme elles font, 11 mi en a plus. Il n'y a plus que de l'eau. Quand le soleil brillera, quand le temps deviendra plus doux, la neige qui est sur la terre fondra, et la terre la boira comme elle boit la pluie. Il fait bon l'hiver jouer à la balle, courir, sauter à la corde, pour se réchauffer, mais il y a quelque chose qui réchauffe encore mieux le cœur et le corps, c'est d'aller porter des petites vestes de laine, et des petites robes de laine qu'on a faites soi-même aux pauvres enfants, qui n'ont ni feu ni vêtements chauds pour se préserver du froid. La pétition du moineau. Lorsque, ne servant plus d'ombrage, les feuilles servent de tapis, que la forêt est sans feuillage, que les oiseaux n'ont plus d'abri. Quand la glace enchaîne les ondes du triste ruisseau qui se tait, que la neige, en masse profonde, s'entasse dans le bois muet. Le moineau, fuyant le bocage, cherche le chaume et les maisons, et va quêter, en son langage, pitié, secours, provision. La neige à flot tombe si vite, ayez pitié, pitié de moi. Pas une feuille qui m'abrite, et le vent, souffle, fort et froid. Point de graines, ni de prunelles. Plus de rouge poire Martin, la terre est dure, et l'eau se gèle, j'ai froid, et j'ai soif, et j'ai faim. Mon gentil petit nid de mousse est gâté, dépouillé, détruit, retraite si chaude et si douce. Où je dormais si bien la nuit. Et maintenant, si je me pousse sur ces rameaux, là, je mourrai tout gelé, vous en serez cause, avant que l'aube ait éclairé. Oh, jetez-moi quelques miettes, accueillez-moi près du foyer, le moineau, par ses chansonnettes, bientôt saura vous égayer. Quand j'aurai séché mon plumage, qui se colle à mon dos transi, je veux, en mon joyeux ramage, tout le jour vous dire. Merci. Jusqu'en la saison dorée du soleil, des feuilles, des fleurs, gardez-moi. Oh, quelle soirée! Si vous me repoussez, je meurs. Et demain, sur la froide terre quand vous me verrez raide mort. Vous me plaindrez, et ma prière vous reviendra comme un remords. Oh, gardez la petite chose qui demande si peu, si peu. À la première fleur écluse, je m'envole, et vous dis adieu. As-tu bien compris ce que tu viens de lire, ma chère enfant? Demanda la maman à sa petite fille. Oui, répondit Juliette, je comprends qu'en automne où les feuilles tombent, elles servent de tapis au lieu de servir de toit, et je me suis amusée bien des fois à les pousser, en marchant, et à les entasser entraînant les pieds de manière qu'elle faisait « frou, frou ». Je sais bien que la glace enchaîne l'eau, qu'elle l'empêche de courir, et que, quand l'eau ne bouge plus, elle ne fait plus de bruit. Je sais aussi comme les pauvres oiseaux sont malheureux l'hiver, je me souviens du pauvre petit rouge-gorge, que j'ai réchauffé l'année dernière, et qui était si malade. Il avait l'air tout à fait mort, quand je l'ai ramassé à de montgolfiers. Les quatre de la mer Rose. Conte fantastique. C'était au mois de décembre, aux approches de Noël. Il faisait grand froid. Un bûcheron, qui demeura sur la lisière de la forêt, y envoya son fils chercher du bois. Le chemin était long et glissant. Beaucoup de sentiers se croisaient dans les taillis. L'enfant s'égara. La nuit venait et son cœur se serrait. Tout à coup il vit poindre loin une petite lumière. Il marcha de ce côté, la lumière paraissait et disparaissait cachée par le tronc d'un chêne ou par les branches d'un peuplier. Enfin, il aperçut une grande masse noire, c'était un rocher. Une lueur rouge filtrait entre les ronces, et les pierres qui bouchaient l'entrée d'une caverne. Michel n'était pas poltron, pourtant, avant de pénétrer dans cette étrange maison, il eût voulu savoir qui l'habitait. Il s'approcha tout doucement et regarda. Une femme était assise devant un feu, qu'elle ranimait en y jetant des broussailles. La flamme s'éleva et éclaira l'intérieur de la caverne, qui était très profonde. On y voyait de grandes outres de peau, les unes gonflaient comme des ballons, touchaient à la voûte, d'autres pendaient, flasquées d'étendue. Ce n'était pas bien effrayant, puis une femme ne fait pas peur à un enfant. Michel se rappela sa mère, qui avait toujours eu pour lui de bonnes paroles et de tendres caresses. Il écarta résolument les ronces et les pierres. Au bruit, la femme se retourna. Elle avait le plus singulier visage du monde, on n'y pouvait distinguer ni nez, ni bouche, ni yeux, tant tout cela remuait. Un bonnet rond, hérissé de 16 pointes, tournoyait sur sa tête comme une girouette. « Qui vient là ? » demanda-t-elle d'une voix creuse. « C'est moi, » répondit Michel un peu tremblant. « Et qui êtes-vous ? » « Vous, je suis le fils du bûcheron de la forêt. Mon père m'a envoyé dans la nouvelle coupe chercher des fagots. Je me suis perdu, j'ai vu de la lumière et suis venu droit sur elle. Eh bien, vous n'êtes pas trop sot, petit Michel. Approchez-vous du feu et chauffez-vous. Tiens, se dit Michel, elle sait mon nom. Il faut que ce soit un fait, elle ne ressemble à personne, et elle a un si drôle de bonnet. Si vous avez faim, dit la femme toujours branlant la tête, voilà des châtaignes rôties sous la cendre. C'est tout ce qui me reste, mais je ne manquerai pas de provisions tout à l'heure, quand mes hôtes arriveront. Ses hôtes, pensa Michel, où les loge-t-elle? Est-ce qu'elle tient auberge? Il regarda de tous ses yeux, mais il ne put découvrir ni lit, ni chaise, ni commode. Rien que des outres. Vous avez bien rencontré quelquefois mes hôtes. Ce sont des vagabonds qui courent le monde nuit et jour. Quand ils sont trop là, ils viennent se reposer chez la mère Rose. Tenez, je crois qu'en voilà un qui arrive. Ne l'entendez-vous pas? Michel écouta. Il se faisait un grand bruit dans la forêt. Les arbres se courbaient, les branches cassaient en gémissant, et on entendait un grondement sourd pareil à celui de la mer en fureur. C'est une tempête, dit Michel, qui devint tout pâle. Non, c'est l'ouragan. Vous êtes bien heureux de ne l'avoir pas trouvé sur votre route. À ce moment la caverne s'ébranla comme si elle allait crouler, une rafale chargée de givre et de neige s'y engouffra, et l'emplit si complètement que Michel ne distingua plus rien. « Allons, dit la maîtresse du logis au nouveau venu, calmons-nous, laisse tes manières brusques à la porte, tu sais que je ne veux pas de tapageur chez moi. M'apportes-tu au moins quelque chose de bon, une chétive morue salée, que j'ai accrochée du bout de mon aile en passant sur la côte de Terre-Neuve. » Il fallait voir l'étonnement des pêcheurs qui regardaient leurs poissons s'envoler dans les airs. J'aurais pu en prendre davantage, mais c'eût été trop lourd. J'ai bien assez à faire de pousser les montagnes de glace, et de charrier les gros nuages pleins de neige. Le brouillard s'était dissipé, le givre était tombé à terre où il avait semé une poussière d'argent, et devant la cheminée se tenait un être bizarre. Il avait le visage d'un homme, tout son corps était enveloppé d'immenses ailes blanches. Et sur sa tête il portait une couronne d'aigrettes plus scintillante que le diamant. Pendant que je vais apprêter le souper, Et en attendant que tes frères arrivent, dit la mère Rose, sois gentille, et montre à ce petit, qui a confiance en moi, les pays d'où tu viens. Il ne les trouvera pas bien gais, répondit le voyageur, mais puisque c'est votre bon plaisir, mère Rose, que nous montrions ce soir la lanterne magique à ce bambin pour la fête de Noël, qu'il soit fait comme vous voulez, jugez de la joie de Michel qui ne connaissait la lanterne magique que de nom, mais qui en avait entendu raconter des merveilles. Attention, lui cria le moiseau. Une paroi de la caverne était devenue lumineuse, et sur ce fond se dessinait une mer encore plus éclatante, toute semée de montagnes de glace, si hautes que leur sommet semblait percer les nues, pendant que leur base s'enfonçait à plusieurs centaines de fameux accents graphitres sous l'eau. Les unes ressemblaient à des châteaux forts, avec leurs tours et leurs créneaux, d'autres à des églises, avec des cloîtres percés à jour. Une profonde crevasse s'ouvrait au-dessous d'une voûte transparente comme du cristal, on eût cru voir le palais de verre où étaient enfermées les belles fiancées du prince Désir. Seulement, au lieu de princesses, il y avait des ours blancs dans cette tanière de glace. Ils y habitaient en famille. Une mère ours, assise sur ses pattes de derrière, débarbouillait, avec un glaçon en guise de savon, un petit ourson qui faisait une si drôle de grimace, que Michel éclata de rire. Plus loin, des phoques s'exerçaient à gravir un cône de neige, qui avait la forme d'un gigantesque pain de sucre. Il glissait, retombait dans la mer en faisant la cabriole, de gros oiseaux, qu'on appelle des pingouins, dressés sur leur queue, assistaient à cette gymnastique, à leur plumage noir, à leur air grave, on eût dit des juges chargés de distribuer des prix aux plus agiles. Michel écarquillait de grands yeux, et ne se lassait pas de contempler tant de choses nouvelles, lorsqu'il aperçut un petit point noir, qui glissait à travers ces énormes masses, au risque d'être écrasé par elles. Il avançait sous ces voûtes minces, d'où pendaient des chandelles de glace longues de 20 mètres. De temps en temps on entendait un sourd craquement, moitié de la voûte s'effondrait avec un bruit épouvantable, et tombait dans la mer en faisant jaillir un nuage d'écume qui obscurcissait l'air. Au bout d'un moment, le point noir reparut, avançant toujours, et Michel, qui avait vu des barques sur la rivière, reconnut un vaisseau. Des hommes allaient et venaient à bord, carguant les voiles ou les déployant selon les points d'où soufflait le vent. Mais il avait beau faire, autour d'eux se formaient d'infranchissables barrières. Bientôt il n'y eut plus qu'un vaste champ de glace, où le vaisseau immobile demeure arrivé. Alors un beau jeune homme en descendit, cinq matelots le suivirent. Ils allaient à la recherche d'un brave marin, qui, bien des années auparavant, avait fait voile aussi vers le pôle Nord, et n'était jamais revenu en Angleterre d'où il était parti. Cette fois, un courageux Français risquait sa vie pour rendre à une femme désolée son mari, pour retrouver l'Anglais perdu, ou du moins des traces de son passage. Il marchait résolument à la tête de ses compagnons, lorsque, enveloppé par une tempête de neige, il sentit le glaçon qui le soutenait craquer, et se détacher de la nuasse. La tourmente le prit et l'emporta. Michel le vit agiter son mouchoir en signe d'adieu, tout haletant, l'enfant s'écria, « Sera-t-il sauvé, où va-t-il ? » ?»« Il va au port suprême vers lequel nous marchons tous, » dit la mère Rose, « mais peu y arrive par une roue. » Aussi glorieuse que celle qu'a prise le lieutenant Bello, Michel effrayé avait fermé les yeux, quand il les rouvrit, la mer de glace, les montagnes, le vaisseau, tout avait disparu. Sur un ciel resplendissant on voyait jaillir des fusées de lumière verte, rose, bleue, qui se déployaient en un vaste éventail, dont les lames vibrantes prenaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, le plus brillant feu d'artifice, pâlirait près de ces jets lumineux. « Oh, que c'est beau !» s'écria Michel. « Cela ne ressemble ni au soleil, ni à la lune. Qu'est-ce donc ?»« Sur la terre, dit le moiseau, on appelle ces feux une aurore boréale. Mieux informé, je puis te dire que ce ne sont que les pâles rayons de la lumière qui se accentent et guchappent des portes du ciel, quand je vais recevoir les ordres du souverain maître, dont je ne suis que l'aveugle instrument. Je vous remercie de m'avoir montré tant de choses curieuses, mon monsieur, balbutia Michel tout ébloui. Je ne m'appelle pas monsieur. Autrefois, les Grecs me nommaient Boré ou Aquilon, aujourd'hui on m'appelle tout simplement Vent du Nord. Michel s'était assoupi, il s'éveilla en sursaut au bruit d'un grand battement d'ailes. Vent du Nord n'était plus là. Enfermé dans une des plus vastes outres, Il se balançait au fond de la caverne, en bourdonnant un chant comme un enfant qui s'endort dans son berceau, mais la chanson de vent du nord était aussi assourdissante que le bourdon de Notre-Dame, et son berceau encore plus grand, et plus gros que le ballon captif, qu'on voyait l'été dernier s'élever au-dessus de Paris. Un nouveau venu avait pris place près du foyer. Il ne ressemblait point à son frère, quoiqu'il eût entre eux un air de famille. Au lieu d'être blanche comme de la neige, ses ailes étaient d'un bleu d'azur, et il portait sur la tête un petit chapeau pointu, dont les bords retroussés se terminaient par quatre cornes garnies de clochettes qui rendaient un son argentin. Il avait le teint jaune, les yeux petits, longs et relevés au coin, la bouche grande, le nez camard, et tout cela faisait une si drôle de figure, qu'on ne pouvait la regarder sans rire. « À ton tour d'amuser ce petit, pendant que je vais faire le thé, » dit la mère Rose. « Mais tâche d'être plus réjouissant que ton frère, qui ne nous a montré que des glaces et des neiges. Vous oubliez le beau feu d'artifice de la fin, » reprit Michel. « C'est vrai, mais à présent il faut nous faire voir des pays habités par les hommes, et non par des ours et des phoques. Vous serez servi à souhait, mère Rose. » Aussitôt la silhouette du chapeau pointu se dessina sur le mur de la caverne et grandit rapidement, tandis que des chapeaux de même forme, mais de différentes grandeurs, s'étageaient au-dessus, cela montait toujours, et devint une immense pyramide de petits kiosques superposés les uns aux autres. Du haut de ce singulier édifice on découvrait des rivières, des campagnes, des villes où fourmillaient des milliers d'habitants, il y en avait à bord des grands bateaux pareils à des maisons flottantes qui couvraient les fleuves. Il y en avait dans les rues en si grand nombre, qu'une épingle n'eût pu tomber à terre, tant la foule y était pressée. Il y en avait dans les champs, à faire et à recueillir les petits grains blancs du riz, le duvet du coton, et les feuilles vertes d'arbustes qui couvraient des lieux de terrain, d'autres faisaient sécher ces feuilles, les roulaient et les enfermaient précieusement dans de grandes boîtes noires marquées de caractères d'or. On les entassait ensuite à bord de grands navires. Et ce qui amusait le plus Michel, c'était de voir que tous les hommes, et jusqu'aux enfants, avaient le devant de la tête rasé, tandis que par derrière une longue queue de cheveux nattés leur pendait sur le dos. Parmi cette multitude qui se poussait et se coudoyait, il n'y avait pas de femmes. Michel s'en étonnait, lorsqu'il découvrit plusieurs dames assises dans un pavillon de jardin, soigneusement occupées à déformer les jolies pierres roses de leurs petites filles, en les enfermant dans des espèces d'étuis, qui les empêchait de se développer et de grandir. Quand une de ces mères se leva et essaya de marcher, elle trébucha, et fut tombée sur le nez, si une servante ne l'eût soutenue. On entendait de temps en temps les sons discordants d'un grand timbre de métal sur lequel on frappait avec un marteau, et une procession défilait se rendant à la grande pagode pour y adorer l'idole Bouddha. « J'ai vu déjà une grande maison pareille à celle-ci, » dit Michel, un jour que je suis allé au château. Elle était peinte en or sur un paravent, et le petit bourgeois m'a dit que c'était une pagode chinoise. En effet, reprit la mère Rose, il y a là-dedans toutes sortes de vilaines figures grimaçantes, qu'adorent ces pauvres païens qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Mais la regarde de ce côté Michel, regarda et vit une chapelle qui lui rappela l'église de son village, tout auprès était une grande salle remplie d'enfants. Des prêtres français en apportaient de tout petits, qu'ils avaient ramassé sur la margelle du puits aux enfants, ainsi nommés parce que les parents y jettent ceux qui ne peuvent pas nourrir, seulement les mères n'ont pas le barbare courage de noyer les pauvres petits, et les déposent sur le bord. C'est là que les missionnaires les ramassent. Ils en prennent soin, les baptisent, les élèvent et les instruisent. En récompense ils sont souvent arrêtés et mis à mort. À ce moment-là même on emmenait plusieurs au supplice. Leur visage était rayonnant et ils marchaient d'un pas ferme vers le bourreau qui allait leur trancher la tête. « Je ne veux pas les voir mourir !» s'écria Michel, et il ferma les yeux. Quand il les rouvrit la scène avait changé, des troupes débarquaient devant Pékin, les canons tiraient, les Chinois fuyaient dans toutes les directions. Michel, qui avait joué aux soldats, battit des mains. Un grand nuage de poussière enveloppa les combattants, tout disparut. La caverne redevint sombre, et une voix souffla à l'oreille de Michel, « Adieu, je m'en retourne d'où je suis venu, car voilà l'heure où je dois écarter les nuages qui voilent le soleil à son lever. Dites-moi au moins de votre nom, » demanda Michel. « On m'appelle Vendeste ou d'Orient. » Orient venait de s'envoler, lorsqu'un troisième hôte arriva à tire d'aile. Son plumage n'était ni blanc, ni bleu, comme celui de ses frères, mais d'un beau vert d'eau, brillant de poudre d'or. Il avait sur la tête une guirlande de plantes marines finement découpées, auxquelles pendaient des gouttelettes pareilles aux gouttes de rosée, qu'on voit le matin sur les herbes. Son visage était beau, mais aussi mobile que celui de la mer rose. Il changea de couleur 20 fois en une minute. « Tu es bien en retard ce soir, » dit l'hôtesse, « c'est qu'on ne vient pas en un clin d'œil de l'endroit où se couche le soleil, quand il faut traverser 5 à 6 000 lieues de mer. Puis, j'ai eu de la besogne en route. Il m'a fallu rassembler et remettre sur la bonne voie des centaines de vaisseaux, que mes terribles frères avaient dispersés et pourchassés. J'ai, d'un vigoureux coup d'aile, poussé un bateau sauveteur au secours de malheureux naufragés, qui allaient périr, enfin, j'ai recueilli sur le dos d'une vague la dernière parole d'un mourant, et je l'ai porté à sa mère. La pauvre femme dormait et rêvait au danger du matelot. Mon souffle avait à peine effleuré son oreille, qu'elle s'est levée toute droite. « Tu m'appelles, mon fils, me voilà », et son âme est allée rejoindre celle de son enfant. « N'as-tu pas de moins lugubre histoire à nous conter ?» dit la mère Rose, si bien. « J'ai rencontré là-bas, de joyeux nègres. D'esclaves devenus libres, ils riaient, chantaient, dansaient, les mères embrassaient leurs petits négrillons, toutes contentes de penser qu'ils ne leur seraient plus enlevés et traînés au marché pour être vendus comme de petits pourceaux. Les pères portaient encore les marques du fouet, dont les avaient frappés pendant des années de barbares contre-maîtres, mais ils se consolaient à l'idée que leurs enfants ne seraient pas maltraités comme eux. Cette joie dilatait le cœur, et j'en oubliais de souffler. J'ai cependant repris ma course, et suis arrivé dans un pays où les hommes libres se rendent volontairement plus esclaves que les nègres. Alors, sur le mur de la caverne, se déroulèrent des plaines sans fin, arrosées de rivières. Ici, des travailleurs, plongés dans l'eau jusqu'à la ceinture, passaient au crible des sables mouillés, ils semblaient exténués de fatigue, les membres glacés et roidis, ils n'en poursuivaient pas moins avec une anxiété fiévreuse leur pénible tâche. Plus loin, d'autres fondaient le roc à grands coups de hache, ou creusaient la terre pour s'y enfouir. Quand ils reparaissaient à la surface, ils étaient aves, défaits, presque mourants. Ceux qui avaient encore un peu de force, se traînaient le long des plaines désertes, accablés sous le poids de lourds fardeaux. Malheur à eux s'ils tombaient, ils étaient aussitôt dépouillés par leurs compagnons, et, laissés nus sur le sol, ils ne tardaient pas à y périr de froid et de faim. « Quel maître fait donc travailler si durement ces pauvres gens ?» demanda Michel. « Le maître le plus dur, et le plus impitoyable, » répliqua la mère Rose, « l'amour de l'or. Ces gens ont quitté leur pays, leur famille pour aller s'enrichir au loin. Tu vois ce qu'ils ont trouvé, la misère et la mort. Le fait est, dit le vent d'ouest, que la poussière d'or que j'ai soulevée en passant, et qui s'est attachée à mes ailes, les a rendues si lourdes, que j'ai failli 2 fois tomber dans l'océan. Et vous m'obligeriez, mère Rose, de m'en débarrasser au plus vite. » La mère Rose prit son plumeau, et épousseta si bien le beau plumage vert d'or de son hôte, que le plancher de la caverne en devint tout brillant. Ouest, se sentant plus léger, battit des ailes, s'éleva jusqu'à la voûte, ayant trouvé une crevasse, il s'échappa avec un long sifflement. « Ah, le coureur, » dit la mère Rose, « le voilà parti sans avoir pris le temps de se reposer. Il aura senti venir son frère aîné, dont la laine brûlante le dessèche. Celui-ci ne doit pas être loin. » Un tourbillon de sable, dispersant les pierres et les ronces qui fermaient l'entrée de la caverne, y pénétra avec une bouffée de chaleur, qui semblait sortir d'un four. La mère Rose poussa Michel qui tomba la face contre terre. Il entendit un effrayant bourdonnement pareil au bruit d'un incendie. Quand il osa ouvrir un œil, il aperçut des ailes couleur de feu surmontées d'un visage rouge comme les nuages du couchant. Michel eut grand peur, mais la mère Rose lui dit tout bas, « Il n'est pas si méchant qu'il en a l'air. Laissons-le souffler un peu, et il s'adoucira. Comment l'appelle-t-on ? » demanda Michel tout bas. « Oh, il a plusieurs noms, on l'appelle le Simoun en Afrique. Après qu'il a passé la mer et abordé à Marseille, c'est le Mistral, et lorsqu'il nous arrive calmé, c'est le vent du sud. » Si c'est là son calme, pensa Michel, comment doit-il être, en colère? Cependant le visage était moins empourpré, et le feu des ailes avait pâli. « Voilà longtemps qu'on ne t'a vu, dit la mère Rose, que deviens-tu donc? Je m'affaiblis. On me poursuit jusque dans le dessert, qui était autrefois mon royaume. On y a creusé des puits, planté des arbres qui arrêtent mon puissant essor. Les sables mêmes, qu'autrefois je faisais rouler et onduler comme les flots de la mer, me résistent. Je rencontre partout une race infatigable et intrépide qui me barre le chemin. Elle a tracé avec le fer une route contre laquelle ma fureur s'est brisée. Elle m'a opposé la vapeur, j'ai bravement lutté avec celle-ci, et j'ai été vaincu, elle est la plus forte. Enfin, j'avais depuis des siècles comblé et effacé jusqu'à la trace d'un canal commencé par les rois d'Égypte, pour unir la mer Rouge à la Méditerranée, de savants ingénieurs ont repris ce travail gigantesque, et il toucha sa fin zéro décadence de mon pouvoir. J'ai vu des machines, mues par la vapeur, soulever des montagnes de terre, que mon redoutable souffle n'eût pu ébranler. J'ai vu un nouveau canal s'ouvrir, se prolonger, s'emplir, j'ai vu un vaisseau le franchir sans mon aide, j'en ai rougi de honte, et suis accouru me cacher ici. Est-ce bien possible? S'écria Mère Rose, je n'y croirais que si je le voyais, voyez-le donc, dit le Simoun furieux. Au même instant le désert apparut, traversé par un long convoi de voyageurs. Il se dirigeait, non plus vers l'isthme, mais vers le canal de Suez, qui se couvrait de barques et de navires. À la place des mirages que créait ma fantaisie, reprit le vent du sud, de véritables eaux, qui mouillées fécondes, ont jailli, une ville a surgi du sein des sables fixés, fertilisée par la puissance du génie français. Au lieu des nuées de sauterelles que je lançais sur les champs des Arabes, condamnés à mourir de faim par centaines, des nuées de prêtres viennent donner leur pain aux mourants, recueillir les femmes, sauver les orphelins, et apporter à tous secours et instruction. Mon règne est fini. Je n'ai plus rien à faire. Non pas, non pas, dit la mère Rose, il te reste à réparer les maux que tu as faits. Les obstacles que tu rencontres, en brisant ta colère, te rendront plus doux, au lieu de chercher à renverser les arbres nouvellement plantés, qui abritent le sol et y entretiennent la fraîcheur, rassemble les nuées et déverse-les, sur les campagnes que tu as dévastées, au lieu de l'irriter contre les efforts courageux des hommes, aide-les, de maudits, tu deviendras béni. Et toi, petit Michel, dit la mère Rose, de tout ce que tu as vu aujourd'hui, retiens ceci, que partout il faut combattre le mal et faire le bien, coûte que coûte. Si tu suis ce précepte, ta visite chez la Rose des Vents te sera grandement profitable. Comme Michel ouvrait la bouche pour remercier, il se sentit enlever doucement de terre, et, bercé dans l'air, il s'endormit. Lorsqu'il s'éveilla, il était dans son lit, au-dessus de la chaumière, la Rose des Vents, redevenue girouette, tournait, en redisant. Souviens-toi, petit, souviens-toi que chacun en sa sphère trouve quelque bien à faire, qu'il soit bûcheron ou roi. Belloclis Anton, 1796-1881, femme de lettres, traductrice, auteur de livres pour enfants. Épouse du peintre Jean-Hilaire Belloc, 1786-1866, et grand-mère de l'écrivain anglais, naturalisé en 1902, Hilaire Belloc, 1870-1953. Traduisait aussi de l'anglais en français, idref.fr.